On va parler des Sabres de Robert Val. On sait que l'année passée, on avait une entrevue avec toutes les semaines avec Jason Dagenais. Cette année, Jason n'est plus à l'emploi des Sabres. Il se retrouve maintenant, je suis même abusé, avec le Marcos Pop de Saint-Félicien. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le nouvel instructeur-chef. Question de garder l'habitude, on parle évidemment de Patrice Gagnon. Bonjour, Patrice. Salut, Danny. Patrice, nouveau défi, mais moi, ce que lorsque tu avais été engagé au mois de mai, on me disait que c'était toi qui as tenu le Royal de Métabetchouan à bout de bras, et là, maintenant, tu t'en viens à Robertval. Comment tu vois ça? Ouais, mais c'est bien ça. Là, la dernière saison, là, si on se souvient, on revient un petit peu dans les événements. Là, c'est que lors du transfert de la concession à Robertval, là, évidemment, là, eux, Robertval avaient fait leur choix concernant le nouvel entraîneur. Puis moi, évidemment, là, aussi le fait que le Royal n'était plus là, ça avait fait que au niveau du junior, ça s'était terminé un petit peu comme ça. Puis là, deux ans plus tard, ben là, les Sabres ont décidé de faire un changement au niveau des entraîneurs. Puis moi, ben. Écoute, c'est sûr, au début, j'étais un petit peu fâché de la situation par rapport à ce qui s'était produit là avec la Ligue et puis le transfert de la concession, mais je veux dire, moi, c'est sûr, je suis un entraîneur d'hockey, puis les Sabres de Robertval, les autres, la ville de Robertval, ils voulaient une équipe, puis je veux dire, moi, là-dedans, je les en voulais pas, là. Moi, c'est un entraîneur d'hockey, on m'a appelé pour coacher une équipe d'hockey, puis je suis bien content de venir relever un nouveau défi au sein du circuit junior 2. Est-ce que le fait, Patrice, que tu connais, que tu as pris une petite pause, tu t'es éloigné du hockey, ça a fait du bien pour toi, là? Ben, ça fait du bien. C'est sûr que, moi, j'ai quand même resté impliqué, là, au niveau, là, B8B. C'est sûr qu'on parle pas du même calibre, là, mais sauf que j'ai resté impliqué au hockey, là, avec mon garçon pendant deux ans, mais... ça a fait du bien, là. C'est sûr que je me suis ennuyé du Calais Junior 2A. Ça, on peut dire ça, moi. OK, OK. Comment tu t'entrevois ton changement à Robertval? Est-ce que tu prévois quand même, parce que l'objectif de Jason, il m'avait dit que c'était quand même pas facile d'attirer des joueurs à Métabetchouan, puis que ça allait plus facile à Robertval. Là, maintenant, tu es à Robertval, j'imagine. Est-ce que comment tu vois ça? Est-ce que tu... du côté du recrutement, est-ce que le fait que tu es rendu là, ça va être plus facile? Non, je pense pas que c'est une question d'endroit là, au niveau là, des joueurs. Là. À chaque année, là, au niveau junior, quand même, là, si on regarde, là, c'est pas toujours là, des bassins incroyables à chaque endroit. Là. Je veux dire, cette année, nous, on a quand même réussi à amener 32 joueurs au camp d'entraînement. Ah, c'est bon. Sauf que, tu sais, si on regarde, c'est quand même bon, mais là-dessus, tu sais, on a peut-être 6 joueurs qui provenaient de Bétouane dans ces joueurs-là qui sont pas nécessairement là, associés à notre secteur. Mais, tu sais, les autres joueurs, ben, on avait, cette année, il y a plusieurs vétérans qui sont là, il y a sorti quelques recrues, mais tu sais, d'année en année, je pense que, et je veux dire, le junior 2A, des fois, tu arrives au début de l'été, t'as un paquet de joueurs, puis après ça, maintenant, t'arrives, puis là, il y en a un autre paquet qui sont partis aux études à l'extérieur, il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix, fait que, tu sais, et c'est jamais, là, 50 joueurs au camp d'entraînement, peu importe que tu sois à Métabetchouan ou à Robertval. Puis c'est même plus 50 joueurs pour bien des équipes dans peu importe le calibre. Tu sais, auparavant, si on se rappelle, il y a 20 ans, c'était 45-50 joueurs. Là, aujourd'hui, quand tu as 30 joueurs, c'est très bon. Tu sais, ça a diminué aussi. Le taux de natalité a diminué. Ça joue moins au hockey. L'offre est moins là aussi. Là. Ben, c'est ça. Puis il y a aussi le fait là, que, ben, je veux pas, là, tu sais, le club junior, il y a une équipe de moins aussi. Mais au Lac, on a 3 équipes. Au Saguenay, ils ont 2 équipes. Tu sais, un petit peu, là. Du côté d'Alma puis Normandin, là, au camp d'entraînement, les joueurs, ça déborde pas non plus. Abidjouan, comment t'as fait pour aller chercher ces joueurs-là? Est-ce que c'est eux autres qui t'ont appelé ou c'est toi qui avais des contacts et qui les a attirés? Ben, je te dirais que l'an passé, il y avait un vétéran là, qui provient d'Abidjouan, Brindley Matawa, mais je pense que c'est venu un peu de lui. Là, les gars là, ont vu qu'il était venu l'an passé. Fait qu'il y a quelques joueurs qui étaient intéressés à venir au camp d'entraînement. Puis moi, c'est sûr que moi, j'ai accepté aucun entraînement. Puis c'est ça, là, plus ça allait, plus l'été avançait, plus ça en rajoutait, si on veut. Mais c'est ça, là, on a 5-6. On avait 6-7 au début, puis là, il y en a maintenant 5. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas te dire là, à la fin là, du camp d'entraînement là, combien il y en a qui vont rester avec lui. Ça peut-tu être une alternative pour les autres années? Je pense qu'on va. L'important en premier lieu, c'est de donner la chance aux gars de notre secteur, ça c'est sûr. OK. Puis c'est sûr, là-bas, des fois, il peut sortir un bon joueur, mais tu sais, ça dépend aussi, là, c'est pas. Des fois, eux autres, la problématique qu'ils ont un petit peu là-bas, je pense que, tu sais, il n'y a pas d'hockey mineur, hein. Fait que des fois, les gars, ils ont des bonnes habiletés, mais ils n'ont pas nécessairement joué dans une structure. Fait que c'est différent un peu, là. OK. Quel genre d'équipe que tu vas avoir sur le terrain? Pas sur le terrain, mais sur la patinoire. Je t'avais mené, tu me pardonneras, c'est le croisement des sports, puis maintenant, on fait des entrevues de football, on fait des entrevues de tennis, on fait des entrevues de n'importe quoi. C'est terrain, court, patinoire. Tu me pardonneras pour mon erreur. Non, il n'y a pas de problème. Donc, sur la patinoire, quel terrain, quelle équipe tu vas avoir? Ouais, c'est sûr qu'on a un bon groupe de vétérans, là, tu sais. Fait que, il y a une chose, c'est aussi, moi, je vais apprendre à connaître mes gars parce que c'est sûr que j'ai mon adjoint qui était là l'an passé, Guillaume, qui me parle des joueurs, mais, tu sais, ça évolue vite au niveau junior, là. Parce que si on regarde les deux années passées à Robertval, moi, ça fait juste 3 ans, dans le fond, que j'avais cette concession-là, si on veut, parce que c'est la même, là. Il reste un joueur là, qui était là, quand j'étais là il y a 3 ans. Là. Et là-dessus, il y en a un deuxième qui s'est rajouté parce qu'on est allé chercher un autre joueur, Thomas Bouchard. Mais bref, là, je veux dire, il y a certains joueurs que je connais pas beaucoup, donc je suis content du groupe de vétérans qu'on a. Puis c'est ça, d'avoir des vétérans, ben ça prouve que ces gars-là ont joué dans le calibre junior, puis en école, ils ont une année d'expérience, un fois deux, puis ça fait bien, là. Ça fait que je peux te dire que, tu sais, on a à chaque sphère, si on veut, quand on parle de sphère offensive, à l'attaque, à la défensive, puis dans les filets, ben tu sais, on a des vétérans un peu partout là pour être en mesure de se faire un bon groupe de joueurs. OK. Si on parlait maintenant du côté de ta force, la force de l'équipe, ça se situe à quel niveau? Ben, c'est ça que je te disais aussi, là, c'est que je suis en train de le voir, là. T'sais, c'est sûr okay. que si je regarde à l'attaque, là, j'ai neuf vétérans qui ont joué dans l'équipe l'année passée. OK, c'est bon. Ça, c'est bon. En défensive, on a aussi 5-6 défenseurs qui ont joué là. Fait, est-ce que ça fait qu'on va être une puissance? Je veux dire, c'est bien embêtant parce que moi, je connais pas mes joueurs, puis je connais pas non plus les autres équipes pour le moment. Fait que c'est difficile à dire, là. Et où notre force présentement pour le moment? Si je me rappelle bien, parce qu'on j'en fais tellement d'entrevues, Patrice, tu me pardonneras, mais Jason avait l'an passé m'avait parlé qu'il voulait avoir une équipe jeune. Si ça m'a donné la deuxième moitié, ça avait été difficile. Il m'avait parlé un moment donné qu'il voulait avoir une équipe plus jeune pour cette année. C'est à peu près ça que c'est à peu près donc son plan, quelque part, même s'il n'est plus là, tu vas hériter de son plan. Ben, c'est sûr que il y a eu des transactions l'an passé, puis ça fait que il y a plusieurs joueurs de 20 ans par contre dans la formation. Là, OK. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il voulait dire, qu'il voulait construire pour l'an prochain. Ben, c'est en plein de cette année, là. L'équipe était jeune. Ouais, c'est ça, là. L'équipe était jeune l'an passé avec des gars de 19 ans, c'est sûr que ça va vite, hein. Fait que là, les gars tombent à 20 ans, puis ensuite, ben, ces 20 ans-là, après ça, ben, tu veux juste en garder 4 l'année d'après. Là. Oui, effectivement. Premier match au concours, c'est quand? On a joué samedi passé, on a joué contre Yatch. OK, contre? On a fait un match de jouer, oui, contre Normandin. OK. On a gagné 4-2 dans un filet désert. OK. C'est ça, les marqueurs. On a eu Thomas Bouchard qui a marqué 2 fois. Ensuite, François Perron 1 fois et Jesse Saint-Pierre 1 fois. Okay. C'est ça, c'est un match, pour être honnête, là, au niveau des, tu sais, je veux dire, les interviews ont eu le dessus un peu si on regarde l'ensemble du match, là, au niveau du contrôle du match, si on peut dire, puis on l'a lancé à peu près 30 fois, puis nous autres 20 fois, mais nos gars ont bien fait ça dans l'ensemble aussi, puis c'est ça, nous autres, c'est sûr que il y avait quelques vétérans qui jouaient pas parce qu'on a encore 30 joueurs au camp d'entraînement. OK. Puis Normandais, de leur côté, je pense qu'il y avait 3-4 vétérans qui jouaient pas non plus. OK. Ben, Pat, ça va être un rendez-vous hebdomadaire que c'est pas mal le fun de voir que tu t'exprimes bien, puis c'est pas mal le fun, puis à tous les mardis ou mercredis, on va se parler pour faire la chronique des sables de Robertval. C'est parfait, puis je peux te dire que beau temps, mauvais temps, je vais être là chaque semaine. Ben, c'est pas mal le fun de collaborer avec des gens qu'on n'a pas besoin de courir après. Ben, merci beaucoup, bon, ça parle. Okay, merci, donc, l'instructeur Pat Gagnon, le nouvel instructeur chef des sabres de Robert.